importante. Commencez par la plus importante. Pourquoi les humains grandissent au lieu de naître grands? Ça, il faudrait essayer de demander ça à sa mère. Il y a un problème biologique. C'est que premièrement, le bébé qui vient au monde est la réincarnation du vivant des deux parents, des parents. Le bébé qui vient au monde est l'alliance biologique du corps physique de la mère et du corps physique du père. D'où l'importance que l'enfant soit un mixage des deux. Permettre à une entité de recevoir deux lignées familiales différentes qui sont déjà pluralisées à travers les générations antérieures. Alors, il faut absolument que le père et la mère fassent une alliance biologique. L'alliance biologique se fait de n'importe quelle façon, mais quelle que soit la façon, on aurait pu poser la question pourquoi. Il fallait que ça se fasse d'une manière ou d'une autre. Étant donné que la matière inerte, pour qu'elle puisse être vivifiée, donc qu'on puisse mettre de la vie dans la matière inerte, c'est un travail qui, présentement, vu la rapidité vibratoire du système atomique qui constitue notre monde, est très lent. La matière qui va devoir devenir le bébé, donc l'enfant, doit être vivifiée pendant plusieurs mois. Et c'est à l'intérieur d'une matrice extrêmement vitale, la matrice de la mère, que ça va se faire. Maintenant, l'enfant vient au monde à une certaine grandeur, ça on sait pourquoi, c'est simplement que s'il serait dans l'état d'adulte, la mère ne pourrait pas le porter dans son ventre, hein, puis ça ne pourrait même pas sortir. Alors évidemment, c'est une question d'espace au niveau du pourquoi que le bébé vient au monde petit. Pourquoi il ne grandit pas vite? Ça serait peut-être correct, parce qu'on peut comprendre l'idée que vu que la mère doit porter vitalement la matière physique, qu'on appelle le fœtus, pour le maintenir en vie, le vivifier, et le structurer de façon à ce qu'il puisse maintenant être viable à l'extérieur, parce qu'un fœtus n'est pas viable à l'extérieur, ça n'a même pas de système cutané, ça n'a pas de système digestif, ça n'a pas de système respiratoire, ça n'a pas de système pulsatif sanguin, ça n'a pas de problème, autrement dit. Lorsque l'enfant vient au monde à l'âge de 9 mois, dans la majorité des cas, on pense toujours qu'on vient au monde à l'âge de 0 à 1, mais on est encore à côté de la traque, alors on vient au monde à l'âge de 9 mois, autour en moyenne, et cet enfant-là, eh bien, il est venu au monde physiquement, mais il est loin d'être venu au monde encore. Alors, la matière physique va maintenant continuer à grandir, c'est-à-dire que va s'agglomérer autour du corps du bébé suffisamment de matière pour pouvoir engendrer la structure qui sera celle d'un adulte qui permettra à un moment donné de recevoir un contact avec l'énergie supramentale dans l'état actuel ou qui dans l'Antiquité ou encore comme dans la partie, antique de notre planète actuelle, c'est-à-dire tous les pays développés. C'est l'Antiquité d'aujourd'hui. Eh bien, dans l'Antiquité d'aujourd'hui, il y a encore de l'évolution et l'enfant vient au monde et il attend d'avoir un corps suffisamment structuré biologiquement pour ce qu'on appelle être un adulte, de façon pour nourrir le monde de la mort, de façon à pouvoir se cellulariser, évoluer, muter et engendrer un autre enfant qui va faire la même chose jusqu'à temps qu'on ait un corps physique plus solide. Donc, si on viendrait au monde grand, bien évidemment, il pourrait y avoir cette structure où ce que l'homme et la femme se touchent, par exemple, en s'éloignant, bien, il y a un autre adulte qui est là, ou il pourrait y avoir un déphasement total de l'adulte. La seule chose qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas avoir de clones. C'est-à-dire que la copie conforme d'un adulte à un autre n'engendre pas l'évolution biologique, et c'est la plus importante. Il doit y avoir un mixage entre l'homme et la femme, et la matière étant très, très, très dense, pour lui donner la vie et lui donner l'intelligence, l'astral pour commencer, donc l'émotion, et après l'intelligence, ça prend un laps de temps. Il faut que la matière côtoie pendant un laps de temps suffisamment long l'énergie humaine. Alors, dans une matrice de mère, c'est la meilleure place pour côtoyer l'énergie humaine. Puis quand il vient au monde, bien là, il reste avec les parents pendant un laps de temps, jusqu'à temps qu'il devienne collectif au niveau d'une société. Puis c'est pour ça que ça prend du temps. C'est pour ça qu'il vient au monde petit du point de vue du volume, puis il n'y a pas le choix de venir au monde à partir d'une matrice humaine. Si Dieu vit la même chose que nous, pourquoi n'est-il pas heureux quand nous le sommes? Bien, il est heureux quand on l'est. Ah, mais tu dis que s'il est heureux... Si nous autres, on est heureux, lui, il est malheureux d'avoir des problèmes. Mais non. Quand on est heureux, puis qu'on remercie Dieu, Dieu est heureux. C'est quand on ne pense plus à lui. Combien d'humains sa planète broille parce que personne ne pense aux autres? On fait même des commerciaux comme ça. Tu prends le téléphone et tu penses à quelqu'un pour une pièce 95. Bon. Si ça marche, c'est parce qu'on sait que les gens veulent qu'on pense à eux. À Dieu avec. Mais là, c'est dans le pot que tu mets ça. Pour parler à Dieu par téléphone. Puis comme tu disais tantôt, si ça va bien, puis que tu continues de prier, puis que tu prends ton argent et tu la donnes aux pauvres aux églises, des chances à continuer d'aller bien. Quand on est heureux, Dieu est heureux. La seule problématique, c'est que Dieu est plus reconstitué comme l'homme. Il y a énormément de parties divines qui ont besoin de guerre, qui ont besoin de violence, qui ont besoin de peur. Parce que Dieu, c'est un phénomène mémoriel expérientiel comme l'homme, c'est-à-dire que c'est l'agglomération de toutes les expériences mémorielles que l'humanité a connues. Donc, quand il y a un accident, quelqu'un se casse une jambe, il souffre. C'est une mémoire expérientielle et Dieu, maintenant, connaît cette souffrance-là. Et cette mémoire-là, comme chez l'homme, elle a besoin d'être réénergisée, sinon elle s'oublie, elle meurt. Elle souffre plus, souffrance amique ou souffrance divine. Alors, elle veut se répéter. L'humain va aller voir un film, il y a du monde qui se casse la gueule. Bon, ben ça nourrit sa mémoire. Il ne veut pas lui le ressouffrir, lui, mais il va quand même aller faire des choses dans le genre, il va aller au cinéma. Il veut voir des films d'horreur, voir des films de policiers, voir des films de cascades, etc. Dieu, c'est la même chose, sauf que son film, c'est l'homme, évidemment. Tu dis que tu as dit à Dieu, tue-moi, et qu'il ne pouvait pas. Moi, c'est pareil. Je n'ai plus peur, j'ai cessé d'attendre et même de lui parler au sens de parler à Dieu. J'en ai marre du yo-yo. Je le laisse jouer tout seul. N'est-ce pas alors dangereux que Dieu t'envoie quelque chose de lunaire, comme il m'envoie à plusieurs, comme il en envoie à plusieurs, ou si l'absence de peur empêche les choses lunaires d'arriver? Effectivement, si on est totalement libre de la peur, qui est un parti politique divin, la peur, c'est le parti étendu et universellement restrictif, ça c'est la peur. Alors, si on est totalement libre de la peur, eh bien, à peu près tout ce que Dieu va envoyer, Dieu ne peut pas contrôler votre corps physique. Il doit envoyer quelque chose qui stimule votre âme, le doigt divin dans l'homme. Et lorsque l'âme a peur, elle est en contact avec le corps physique, elle fait sécréter, elle le fait réagir. Si on n'a pas peur, tout ce qui peut arriver autour de nous ne peut pas rien nous faire. Même une personne, une possession satanique, disons, Dieu, est-ce qu'il y aurait la possibilité, ou Satan, de prendre un meuble et de vous le garrocher en plein visage? L'homme doit prendre le meuble et se le garrocher en plein visage. Et si l'homme n'est pas possédé, Dieu n'a pas la capacité de télékinésier des choses. Il ne peut pas faire bouger les objets à distance. Quand on regarde des films de possession, dont les meilleurs ont été soit Poltergeist ou soit l'Exorciste, quand les choses bougent à distance, c'est parce que des humains là, ça ne bouge pas s'il n'y a pas d'humain. Et l'humain doit être possédé. Dieu ne peut pas bouger un verre. Mais l'humain possédé inconsciemment peut bouger un verre. C'est l'humain qui a la puissance. Alors, quand on... Bon, recevoir des choses lunaires, si on n'a absolument pas peur, on élimine 90% des problématiques. La seule problématique maintenant qui va rester, c'est d'être entouré de mauvaises personnes. Dieu peut manipuler quelqu'un pour qu'il vienne vous casser la gueule. Est-il possible? C'est d'ailleurs pourquoi l'homme nouveau sera un guerrier. Il faut que tu sois bon à boxe en tabarnouche. Te défendre? Ben, c'est évident. Est-il possible de prier de façon positive un Dieu ou un être intérieur de façon positive? On prie toujours de façon positive. La question est de savoir, c'est positif pour qui? Mais cosmiquement, finalement, c'est positif tout le temps. On prie Dieu, on se fait têter. Mais dans quelques milliers d'années, l'énergie qu'on aura mis là va nous servir. Fait que tant qu'à l'avoir gaspillée en conneries, on l'aura placée dans le ciel, puis personne ne peut la voler. Elle rouille pas. Dans quelques milliers d'années, peut-être qu'elle nous servira donc, c'est de façon positive. Si on veut s'en servir immédiatement, c'est plus compliqué. Ce qu'on donne à Dieu, le banquier, lui, il conserve. C'est tout du prêt à long terme. On met en banque, puis avant qu'on aille, il a le droit de toucher à ça, là. C'est dans 1000 ans. Le problème, c'est que chaque fois que tu frappes à la porte, on dit dans 1000 ans. À 2000 ans qu'on frappe, c'est dans 1000 ans. Toujours dans 1000 ans. Donc, ce sera dans jamais. Alors, il faut qu'on s'arrange pour prier. Mais c'est pas dans le bilan, c'est dans le 1000 ans. Il n'y a pas de façon actuelle pour un être humain conscient. Il n'y a aucune façon convenable de prier Dieu dans le but que Dieu le serve totalement. Si l'homme ne fait pas un pacte avec Dieu. J'ai déjà donné un séminaire sur la prière, justement, où les gens prenaient, ça fonctionne bien. Tu dis à Dieu, bon, ben si j'ai ceci, je vais faire cela. Un contrat, un pacte. Oui. Très important, si tu l'as... Oublie pas. Parce que tu payes pour en tabarnak. Dieu est un créancier... Avec les intérêts. Très humain. Les gens prient-ils un Dieu sadique qui ne répond jamais? Les gens prient ce qu'ils prient. C'est tout. Le Dieu n'est pas sadique. Il y a des dieux sadiques. C'est dans la façon de prier que c'est. Ben, ça dépend à qui tu pries. Si tu pries à mon père, ce Dieu-là n'est pas sadique. Si tu pries à Dieu, ce Dieu-là n'est pas sadique. Si tu pries à mon Dieu, ce Dieu-là n'est pas sadique. Mais quelle différence il y a entre Dieu, mon père et Dieu? Ah, ben, il y en a un bon paquet. Lesquels? Premièrement, ils ne sont pas venus au monde en même temps. Deuxièmement, ils n'ont pas été énergisés de la même façon. Mon père est un Dieu beaucoup plus pacifique. Mais il est capable de violence sur les ennemis de ceux qui vont le prier. Mon Dieu est un Dieu beaucoup plus universel, c'est un Dieu plus grandiose qui englobe mon Père. Et c'est un Dieu qui ne demande pas de sang. Dieu est un Dieu violent, est un Dieu qui demande du sang. C'est un Dieu qui un Dieu de violence, de vengeance. Dieu, oui. Lui, est-ce qu'il est englobé dans le Père? Il est englobé aussi, non, il est englobé dans mon Dieu. Allah est un Dieu aussi qui est différent. Jéhovah est un Dieu différent. chaque nom a une caractéristique, caractérise un Dieu différent qui demande des choses différentes. Mais quand on prie, il faut faire attention à qui on s'adresse. Bien, si on dit « mon Dieu, je vous demande », on prie « mon Dieu ». Si on dit « mon Père, je veux », si on dit « Père, je veux », c'est différent. Si on dit « Dieu, donne-moi ceci », Dieu, c'est dangereux. Dieu, c'est le Dieu conservé à l'époque des croisades. Alors, Dieu haïssait. Dieu te punira. Et non pas « mon Dieu va te punir », c'est pas pareil. Ou le Père, c'est pas pareil. Dieu, c'est un Dieu de doigt. Il pointe. On peut prier Jésus. L'Inquisition, c'était Dieu. On peut prier Jésus, Jésus-Christ, le Nazaréen. C'est encore toutes des prières. Une seule chose, prions toujours le même Dieu. Parce que ton énergie, autant pas la mettre dans partout. Tu sais, Joseph, Marie, Saint, machin, oui, donc un autre parle là, tu pries le crucifix, tu pries la boule de cristal, tu pries. Si tu n'as jamais prié. Ah ouais, si tu n'as jamais prié. Puis que là, tu as le goût de prier, puis tu as, disons, 25 ans. Tu vas aller pas à l'église, la première que tu rencontres, tu vas prier là. Mais là, tu décides, tu t'appropries un Dieu. C'est-à-dire que tu décides d'aller têter celui-là, finalement. Mais en réalité, tu vas te faire têter par lui. Tu décides de te faire têter par lui. C'est-à-dire que toute l'énergie qui est en train de te muter, pourquoi l'humain a besoin de gaspiller son énergie? C'est quoi gaspiller son énergie? J'ai un poids sur la conscience, je dois t'en parler. Bon, ça parler, gaspiller de l'énergie. Ou encore, je dois prier, en parler à Dieu, je dois me confesser, je dois faire quelque chose. Cette énergie-là qui anime l'homme, l'expérience, peut faire en sorte que l'humain va tellement l'accumuler qu'il va commencer sa mutation. Mutation égale, en partie, transformation du corps. Transformation du corps signifie que quand l'ego voudra s'exprimer, il ne reconnaîtra plus ses schémas d'expression. Donc, égale immense souffrance au niveau de l'âme. C'est ça, le poids. Si tu vas parler le trop d'énergie que tu as, mais que tu es en train d'assimiler, de digérer, c'est ça l'évolution, mais tu vas le communiquer à quelqu'un d'autre, ou à un autre, ou à plusieurs personnes, tu le transposes. Puis là, tu t'en soulages. Sauf que faudra que ton évolution est longue et lente. Si tu gagnes à la loterie, tu fermes ta gueule. Personne ne le sait. Et t'évolues. Il n'y a rien à faire, t'évolues en tabarnouche. Et c'est pas de ne pas le dire à personne, puis de le dire à Dieu. Tais-toi. Tu fais une bonne action. Qu'est-ce que c'est une bonne action? Une action, c'est une action qui te rapporte énergétiquement. C'est une bonne action, quelle que soit l'action. Tu fais une bonne action et tu vas t'en vanter. L'énergie que tu as accumulée qui te pèse sur la conscience, celle-là, tu la dilapides. Ferme ta boîte. Ça ne sert à rien. Exactement comme si tu confesses que, mettons, tu pardonnes quelqu'un. Puis ton ego vient de marcher sur lui puis dire à quelqu'un, c'est correct, je te pardonne. Tu vas t'en vanter. C'est fini. Fini. Tu veux faire n'importe quoi. Tu veux donner de l'argent à un pauvre. À l'époque, on jeûnait. Tu veux le jeûner pour le donner à Dieu. Puis en jeûnant, en réalité, tu purifies ton corps physique. Donc, tu ramasses de l'énergie. L'énergie qui sert à la digestion, que tu accumules quotidiennement. Vu qu'il n'y a rien à digérer, lentement, ça s'accumule au niveau de ton corps. Tu vas dire à quelqu'un, ben moi, présentement, je jeûne. S'il y en donne. C'est le problème. Alors, quand ça devient pesant et qu'on va parler, on doit savoir qu'on se libère. Toute la psychologie le dit. Libérez-vous! Moi, je le dis. Cessez d'évoluer! C'est pareil. Ça dépend des points de vue. Mais si tu peux supporter ton fardeau, à un moment donné, il s'intègre à toi. Tu assimiles l'énergie. Puis à un autre moment donné, tu gagnes où il se passe encore quelque chose, puis tu revis un événement très puissant. Dérange moins. Tu n'es plus évolué. Tu es plus puissant. Tu es capable d'en prendre. Exact. Tandis que si tu donnes tout ça à tout le monde, ou à Dieu, ou à n'importe quoi. Mais si on veut prier, on prie une seule forme. On ne prie pas plusieurs. Quand tu te rends compte que tu pries Dieu, puis que tu ne te fais pas guérir, fait que tu pries Saint-Joseph, puis tu te guéris, t'es horrible, tu sais, il y a un problème quelque part. Ben, en réalité, c'est parce que les égrégores mémoriels de Joseph sont des égrégores curatifs, alors que les égrégores divins le sont à peu près pas. Si tu t'appelles Luc, tu n'as jamais prié, tu décides de commencer à prier, est-ce que ce ne serait pas mieux de prier Saint-Luc? Ou ça n'a rien à voir? Non, tu as déjà assez pris avec Luc, sans avoir à prier Saint-Luc en plus. Okay. Tu as peut-être choisi le mauvais nom, là. Disons que tu t'appelles Paul, tu pries Saint-Paul. Même chose. Même chose. Si l'animal humain a sa carotte, celui qui est intelligent ne se satisfait plus d'une sécheuse, et c'est ceux qui veulent s'acheter une sécheuse qu'on fait gagner 10 millions. Il devient alors difficile de rester vivant quand on voit que la mécanicité ne favorise pas les gens conscients. C'est un écœurement qui vient de la connerie des gens et de la mécanique. La création ne veut donc pas l'intelligence sur Terre, puisqu'elle oblige l'intelligence à s'éliminer elle-même par sélection artificielle, la sélection surnaturelle. Bon, c'est ce que tout à l'heure j'expliquais, sauf qu'on est présentement dans l'adolescence de l'humanité, donc nécessairement, Dieu n'est pas content quand une intelligence, quand un humain devient intelligent, il travaille contre lui. Ce qu'on doit savoir, c'est qu'au-delà de Dieu, il y a ce qui a créé Dieu et engendré Dieu, qui est de l'intelligence supramentale, de l'intelligence du point de vue bouddhique et de l'intelligence intentionnelle. Finalement, il y a même des phénomènes qui sont supra-créationnels. Maintenant, si on redescend plus bas de ça, donc si on revient un peu à l'intérieur de la création, L'intelligence qui habite l'homme est une intelligence qui ne provient pas de Dieu, le Dieu que l'humain prie. C'est un Dieu qu'on n'a pas besoin de prier. C'est un Dieu qui donne selon ce que l'homme peut recevoir. C'est pas un Dieu. Pas dans le sens émotif que l'on connaît. Alors, jamais on ne le remercie. Il n'y a pas besoin d'être remercié. C'est l'intelligence. Jamais on lui demande une chose. Si la chose est disponible, c'est évident qu'on l'a déjà. Peut-être qu'on est trop aveugle pour l'avoir. Mais on n'a rien à demander. Ça vient. Ça va. Lorsque l'être humain commence dans sa phase d'adolescence à évoluer par l'intelligence à l'échelle de la planète, toute la structure matérielle est bâtie par des forces qu'on appelle arimaniennes. Ce sont des forces de luxure qui sont intimement bâties par les mémoires d'évolution, les forces sataniennes, et qui permettent à l'humain de ne pas trop grandir, qui distrait l'humain de façon à ce que l'humain reste bien matériel. À l'intérieur de l'homme, il y a une flamme qui l'empêche d'être bien matériel, mais cette flamme-là, elle est faible, indestructible, inéteignable. Elle n'est pas forte. La matière qui l'entoure est trop dense. L'évolution à travers les millions d'années fait que la matière qui l'entoure devient plus subtile. Nos corps physiques sont plus subtils. Et la lumière est plus forte. Lorsque l'intelligence commence à naître, on doit savoir qu'on vient au monde dans une discothèque. Puis on n'aime pas la musique. Alors on va dire, oui, mais toute la discothèque au complet fait tout pour détruire ceux qui n'aiment pas la musique. C'est évident. Quand on vient au monde là-dedans, on va finir par détruire la discothèque. On vient au monde sur le plan planétaire où l'humain est assujetti de la mémoire, où l'humain pense à partir d'une manipulation astrale, où l'humain croit plutôt que savoir, où l'humain privilégie son émotion et l'immédiat terme plutôt que de la conséquence à long terme de sa vie, où l'humain essaie d'oublier qu'il est là, oublier pourquoi il vit. On est dans un monde comme cela, et lorsque l'intelligence commence à venir nous ramasser, eh bien évidemment, on voit un peu plus clair. Et il ne faut pas qu'on s'étonne que tout travaille contre nous, contre l'intelligence. C'est tout simplement logique. On travaille contre le reste. Alors, l'intelligence ne peut pas faire plus que ce qu'elle fait. Je répète souvent que si l'intelligence descend au niveau d'un chien, elle jappera. Alors, ça ne sert à rien de dire, oui, mais pourquoi l'intelligence ne fait pas mieux? Elle fait ce que l'on peut supporter. Sinon, elle détruirait simplement. Quand tout va bien, est-ce que je devrais faire semblant de prier Dieu et de jouer sérieusement pour ne pas qu'il y ait rien qui nous tombe sur la tête? Est-ce que nous pouvons déjouer d'une certaine façon pour qu'il ne... Est-ce que nous pouvons le déjouer d'une certaine façon, puisqu'il ne semble pas être intelligent? Mais non, Dieu n'est pas intelligent. Il est émotif comme l'homme. On ne doit pas faire semblant de prier Dieu. Il n'est pas intelligent, mais il sait. Il y a toute chose. On doit prier Dieu, pas faire semblant. Ou bien, on apprend à se parler, à parler aux autres, et finalement à parler à l'extérieur. Donc, on apprend à parler à Dieu, on apprend à parler à Dieu, on apprend à parler à Dieu. Pour que ça aille bien, tu deviens ton autodisciplinaire. Même avec tes proches, on devient des hétérodisciplinaires. Toutes les forces et la gang autour qui tentent de te ramasser à tous les points de vue, qu'est-ce que tu fais? Te cloîtrer. Dois-tu te cloîtrer? C'est évident qu'on a une grosse problématique aujourd'hui. C'est que lorsque l'on évolue, on évolue seul. Alors, c'est pas long qu'on se ramasse dans un cercle où on est au milieu du cercle, le point focal, et tous ceux qui nous entourent font tout pour nous empêcher de continuer à avancer. Ils se briment parce qu'on change, ils ne comprennent pas ce que l'on comprend, ils veulent qu'on cesse d'être ce qu'on est, ils veulent qu'on redevienne comme la masse. Si on refuse, eh bien, on commence à les manipuler. Alors, on les frustre, alors ça crée des chicanes, peut-être qu'il y aura des séparations, il y aura des guerres. Alors, l'humain qui est dans le cercle peut dire, ben, je vais essayer de les faire évoluer. On ne peut pas faire évoluer la matière au-delà de ses capacités. Celui qui vous entoure, s'il ne peut pas comprendre, il ne comprendra pas. C'est une question de temps, pas une question d'explication. Alors, c'est à vous de déterminer de quelle façon l'enclume autour de vous vous pèse sur les pieds. Parce que c'est bien évident qu'à un moment donné, on devra chercher des amis ailleurs. Ça, c'est évident. Mais... Le virus de l'âme n'est pas un parasite, mais vit en symbiose avec l'homme, ce qui rend impossible son expulsion sans tuer l'homme aussi. Comment quelque chose de non viable peut arriver à être ce qui rend l'homme viable, comme un médicament qui est excite permettrait en même temps la vie? Le virus est comme une drogue. Ceux qui ont peut-être lu le livre Dune, on parle d'une épice gériatrique, une épice qui prolonge la vie éternellement. Mais si tu arrêtes d'en prendre, tu meurs. Ceux qui n'en ont jamais pris, en ont pas besoin, vont mourir dans 50 ans. Ceux qui commencent à en prendre, non seulement ont une bonne préscience, peuvent voir dans l'avenir, vivent éternellement, mais s'ils cessent d'en prendre, ils meurent. Le virus de l'âme, c'est la même chose. Le corps physique seul a une forme d'expression très particulière. Habité par l'âme, tout devient génial. Mais ôter l'âme, ça devient mort-vivant et ça ne marche plus. L'intelligence qui descend dans l'homme aura comme travail d'intelligencer la matière, donc de la rendre lumière, l'énergiser et, par la suite, l'énergifier. Lorsque l'intelligence descend à travers l'homme, il va aussi énergifier, donc énergiser au préalable, le virus. Les deux vont devenir fusionnés. On ne bannira pas le virus. Pendant la phase évolutive, il y a des chances, par contre, qu'une partie de l'homme, partie du virus, soit rejetée. C'est ce que moi j'appelle l'anti-homme, un double. Un double négatif de tout ce qui constitue la partie évolutive de l'homme. Si ça s'est éjecté, ça crée un phénomène de guerre entre les deux individus, l'anti-homme et l'homme. Et l'anti-homme, par la suite, va s'en aller et va rejoindre des contingences, des forces d'involution qui vont être digérées dans quelques années, pendant l'Apocalypse. C'est une personne ici qui demande « Pourquoi le matériel est si nécessaire pour moi pour être heureuse? » Pour la simple raison que le matériel permet à la personne, ou à son ego plus précisément, et non pas à son mental, mais permet à son ego de se sentir sécuritaire. C'est comme beaucoup de personnes, comme en France, ce n'est pas péjoratif, mais il y a énormément de Français qui adorent manger, qui adorent boire. Après avoir vécu une guerre et de la famine, inconsciemment dans l'astral collectif, quand on mange, tout va bien. Alors, il y a des personnes qui ont soit par leur génétique, vécu la pauvreté, et la matière autour d'eux, ça va. Il y en a qui dépensent au-dessus de leurs moyens. Ce n'est pas grave. Ils ne sont pas inquiets de devoir 3000 piastres. Ils seraient inquiets de ne pas pouvoir acheter quelque chose. Parce que quand ils achètent, c'est la preuve que tout va bien. Les dettes, ça ne dérange même pas. C'est le fait d'acheter, tout va bien. Il y en a, ils mangent. La santé, c'est pas grave, le frigidaire est plein. Ils invitent plein de monde, on fait la bouffe, on mange. Inconsciemment, tout va bien. Alors, c'est une fuite totale de l'extérieur. Et ça rend heureux, donc sécuritaire l'ego, parce que le bonheur chez l'homme, ce n'est que la sécurité au niveau de l'ego. Quand l'ego est sécure, c'est le bonheur. Quand l'ego est insécure, c'est plus le bonheur. Ah, c'est simplement cela. Mais la matière est extrêmement utile en plus d'être importante. La matière est importante pour l'ego, une valeur émotive. Elle est utile pour le mental, valeur logique, conséquentielle. Alors, c'est évident que si une personne a de l'ego, elle a besoin de matière et qu'elle en a, c'est correct. Si en plus, elle peut se servir du fait qu'elle a de la matière pour développer son mental, c'est encore bien mieux. Chose certaine, c'est que quand on a besoin d'une chose, c'est utile. Si on la perd, on s'en fout. Quand une chose est importante, si on la perd, on souffre. C'est dangereux. Il n'y a rien d'important sur la planète Terre, ni d'ailleurs dans la création. Il y a des choses utiles. Mais il n'y a rien d'important. Donne-moi une chose importante. Là, mon micro, là, c'est juste les autres m'entendent. Non, c'est pas important, c'est utile. C'est utile. Important, c'est quoi important? Est-ce que tu es important? Non. OK, on continue. Là, je suis utile pour lire les questions. Toi, t'es-tu important? Pour répondre aux questions, je suis utile, mais je ne suis pas important. Lorsqu'on dit « Ah, moi, si je m'écoutais, je ferais ceci ou cela », mais il semble que « je », on souligne le « je », il ne m'écoute pas, car rien ne se fait. Est-ce dire qu'il faut en arriver à ce que « je », il, m'entende, ou à ce que « je », il, m'obéisse? Quel est le sens réel du mot « écoute » dans cette phrase? Merci. Bon, la personne, elle a sans doute discerné qu'elle était deux à l'intérieur de elle. La grosse problématique, c'est qu'il non, y a... Non, c'est il. Oui, mais elle, personne, la personne. Je te donnerai des petits cours de français plus tard. Alors, la personne, il a décidé, la personne. Il y a un haut-parleur, dans la conscience comme par la bouche, et il s'est connecté à l'astral, et il s'est connecté au mental. Alors, il y a les deux parlent en même temps. Puis, ce qui sort, c'est ça que nous autres, on pense qu'on est puis qu'on dit. C'est ça le problème. Parole fausse. Parole destructrice. Ah, si je m'écoutais, c'est totalement ridicule. C'est réellement une bi-parole. Ah, si je m'écoutais. Puis comment puis-je m'écouter, je le fais ou je le fais pas? Si je veux le faire puis je le fais pas, c'est qu'on est deux. Et là, c'est les deux qui parlent. Il y en a un qui dit, je veux ceci. Mais pourquoi l'autre ne m'écoute pas? Et comme on parle en même temps à la même place, on a l'impression finalement d'être une unique entité. Et là, on va colorer en disant « Ah, si je m'écoutais! » Pourquoi que je veux les choses d'un moment donné, puis deux jours après, je ne veux plus? Mais non! Toi, tu veux! Deux jours après, c'est l'autre qui est là, puis lui, il n'a jamais voulu. Mais parce qu'on regarde ce qui est exprimé, puis on pense que c'est de la même personne, c'est de la même bouche. C'est comme de penser que parce qu'on écoute une radio, que deux animateurs qui passent après deux à deux heures différentes, bien, c'est la même affaire. Ça veut dire que quand le curé m'a demandé si j'acceptais, puis j'ai dit oui, c'était pas moi. Absolument. C'est pour ça, d'abord. Il y a autre chose, mais ce que tu viens de dire là est bien plus important que tu penses. Hmm. Sais-tu que l'instant où tu deviens mental, t'es plus marié? Faut que j'achète la cassette, explique-moi ça. Pourquoi t'es plus marié? Parce que t'es plus le même que celui qui a répondu? Celui qui a répondu, c'est pas toi. Quand tu deviens mental, jamais tu te dis oui au prêtre. Ma femme qui l'avait engagé. Ça n'a rien à voir. Ta femme non plus, tu deviens mental, elle est plus mariée. Ah. Tout ce que l'humain a accumulé en tant que karma dans le passé, à l'instant où tu deviens mental ou supramental, il n'est plus lié à ça du tout. T'es plus la même personne. C'est plus toi. Les gens vont vouloir te convertir que c'est toi parce qu'ils vont dire que c'est le même corps physique. Mais quand mon automobile, je l'ai vendu à un autre, ce qu'il va faire avec, c'est venez pas me voir avec. Puis ce que j'ai fait avec, elle n'est pas chaud après l'autre. Ah, c'est le même char, on le reconnaît. Ça ne change rien, c'est plus le même habitant. Alors, quand tu deviens mental, tu n'es plus marié. C'est évident que tu n'es plus marié. Tu n'as jamais dit oui. Il n'y a pas un être humain mental qui va aller demander à un curé de les forcer à s'unir. Jamais. Jamais. On reste ensemble par intelligence. Quand tu n'en as plus, on s'en va. Ça, c'est intelligent, c'est logique, c'est mental. Émotivement, oui, mais si je me marie, on va séparer nos bébelles, puis je l'aime, j'aime ses fesses, j'aime son nez, j'aime ses muscles. Puis j'aimerais ça qu'il reste tout le temps avec moi, puis je vais avoir la possibilité de pouvoir le fouetter, puis pour qu'il courir avec personne d'autre, etc. Ma femme, mon mari, possession. Mais quand tu deviens mental, franchement, non. Moi, quand je deviens mental ou supramental, toutes les conneries que tu as faites en bas, essayez de me mettre sur le dos. Ça ne marchera jamais. Oh, mais quand tu deviens mental ou supramental, qu'est-ce qui t'arrive qui ne m'arrive pas? C'est simple. Quand je deviens mental ou supramental, qu'est-ce qui m'arrive qui t'arrive pas? C'est que j'ai une vision que tu n'as pas, ce qui fait que je suis totalement déculpabilisé, déconnecté par la culpabilité, même par la culpabilité émotive. Je n'ai plus d'émotion, donc d'affection, par rapport à ce que j'ai vécu avant. Toi, lorsque tu restes émotif, si tu commences à être mental, donc logique, tu peux te déculpabiliser, mais pas totalement, il restera une filiation émotive avec des choses. Ta mémoire. Alors que moi, ma mémoire, elle disparaît totalement à l'instant où je me réchauffe un petit peu, ce qui fait que je n'ai plus aucune attache. Pourquoi? Parce que j'en ai pas. Mais tu te connectes à quelque part? À moi. À toi? L'humain, il est bâti comme ceci. Il y a un point qui se promène ici, qui est l'animal humain. On le voit se promener avec un corps physique, des orteils, des boutons, puis un peu de clairacil. Bon. Il est vêtu de vêtements, il broute, il pète, il chiale, il aime, il haït, il déteste, il a peur, il espère. Il prie plus. Bon. C'est lui-même. Au-dessus de lui, il y a une autre chose qui tourne. Ce phénomène-là qui tourne en haut n'est pas planétaire. Il n'a pas été créé par la structure planétaire. Il est en haut. Il suit l'humain et il attend. Tout ce qu'il peut faire de temps en temps, c'est quand les deux sont un en haut de l'autre, il descend. Mais vu que leur déplacement n'est pas similaire, le contact ne reste pas longtemps. En haut de ça, il y a un autre plateau, beaucoup plus puissant. Lui, il vibre différemment et il a un mouvement différent. En dessous, ça ne suit pas et l'homme ne suit pas pendant. L'homme ici, il a un mouvement collectif. Chaque particule mentale en haut a des mouvements individuels. Alors, ça ne peut pas se brancher sur la collectivité des humains. Ça, c'est la partie supramentale. Qui va lentement établir un canal, l'ajusteur de pensée, développer un mental dans l'humain. Pour rendre plus souple le contact, parce que ce n'est pas encore branché, ce n'est pas fusionné. En haut de ça, il y a d'autres mécanicités plus grandioses qui sont extérieures à notre galaxie, et la dernière est extérieure même au super-univers, dans lequel on est placé. Quand on a un contact qui s'établit, il y a un branchement. Quand le corps physique est suffisamment solide, le corps vital et l'âme est suffisamment négoïque, on va être capable de suivre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la bébête ici en bas fait la volonté de ce qui est en haut. Alors que normalement, la bébête qui est ici, elle recherche le contact, elle dit « Viens qu'à me suivre! » Fais ma volonté. Et ça ne marche pas parce qu'en haut, ici, ça ne peut pas. Quand la partie supramentale fait la volonté de l'homme, elle doit baisser son taux vibratoire et s'ajuster à l'homme. Ça devient de l'homme. Le chien jappe. Il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun changement. Tu as vu de la lumière, mais il n'y a plus rien. Si tu fais la volonté de ce qui est en haut, ça veut dire que ton rythme en bas, tu vas le bloquer, finalement, t'ajuster. Là, l'ego souffre en maudit parce que l'ego n'est plus pantoute dans son chemin. Tout ce qui le stimulait, ce n'est plus ça. J'ai le goût d'aller manger une pomme sans te coucher. Tu sais, c'est ça qui arrive. Vider son âme. Prendre son âme et l'envoyer dans la structure astrale qui prévalait lors de sa naissance. Naissance, en réalité, fécondation. Naissance de l'âme, dans le corps de l'âme. Paradisiation, Jérusalem céleste. Par la suite, l'humain doit absolument s'arranger pour planter son corps vital dans le paradis vital. En ce qui concerne nous autres, c'est le bouclier canadien. C'est impeccable. Peut-être qu'on aura à faire des voyages sur la planète pour aller finaliser vitalement des vieilles réincarnations. On revient ici après. Ça va. Là, qui vont carrément migrer, c'est là-bas que leur paradis vital. Puis lentement, ce qui va arriver ici, étant donné que l'âme est partie complètement, bien lentement, tout le corps au complet va finir par s'ajuster au plan supramental de notre intelligence. Qu'est-ce qui m'arrive à moi quand je me branche ici? Eh bien, c'est très simple, c'est que je m'en vais exactement où j'ai à aller. Tandis que toi, ben, tu revoles partout ce que tu as à aller. Mais qu'est-ce qui me prouve que toi, tu es plugé à bonne place? Puis moi, je suis absolument rien. Comment tu fais pour le savoir? Ben, moi, je le sais. Qu'est-ce qui te prouve que tu le sais pas? Rien. Qu'est-ce qui me prouve que tu penses? Non, ça, il n'y a rien. Qu'est-ce qui me prouve que tu sais que tu penses? Je vais y penser, là. Tu sais. Non, quand on sait quelque chose, on le sait. Quand on le pense, on le pense. C'est différent. Je suis capable, moi aussi, d'arriver à ces niveaux-là. Tout le monde est capable d'arriver à penser ou à savoir qu'on sait. Bien, ça, arriver à penser, ça va bien compliqué. Ça, c'est Dieu qui pense dans la tête. Je me cogne un doigt, je sais que je me suis fait mal. Pas besoin de penser. Mais toi, tu arrives à faire ça de façon plus régulière. C'est-à-dire, tu arrives à ne pas avoir. Tu n'as pas besoin de te faire mal pour être instantané. Moi, j'arrive pas à faire ça. J'arrive à ne pas faire ça. Moi, j'arrive à ne pas chioler. J'arrive à ne pas sécréter émotivement pour la pluie ou le beau temps, ou pour la coupe Stanley, ou pour des bébites de même. Et moi, c'est des choses que j'arrive à moins faire souvent que toi. C'est ça qu'il y a nuance. L'humain est foncièrement intelligent. Mais l'humain fait trop de choses qui densifient l'intelligence, puis qui l'approchent de l'animal. C'est évident que c'est un animal humain. C'est un animal qui a de l'intelligence, puis qui l'exprime comme un animal le ferait. Parce que l'humain est comme un chien, comme un chat. L'humain, c'est identique. L'humain fait des guerres. L'humain, comme j'expliquais à un moment donné, il met des frontières alors que le loup, il pisse pour ses coins d'arbre. Mais c'est pareil. Sauf que parce qu'il y a de l'intelligence dans le chien, c'est plus raffiné. Il y a des oiseaux qui atterrissent sur les hippopotames, puis qui se font charrier. Ben, nous autres, on a raffiné l'affaire. On a commencé par le cheval. Mais, ben, on a encore des porteurs humains. Puis finalement, on a des automobiles. Il y a des insectes qui voyagent avec les autres. Il y a des poissons pilotes qui conduisent les requins. On est la copie, finalement, du règne animal, sauf que parce qu'il y a de l'intelligence, on est plus raffiné. Mais ça reste l'animal qui exprime l'intelligence. Qu'on a peur, qu'on est insécure. On est toujours inquiet que cette intelligence-là nous lâche. Fait qu'on essaie d'accumuler de la matière au bout. Ça nous lâche. Pendant qu'on accumule de la matière, on est fait. L'animal ne peut pas voir la valeur d'un verre. L'animal qui a un contact intelligent et qui serait carrément abandonné, bien, il irait faire ses besoins dans le coin de la maison, toujours à la même place, puis il gratterait son tapis pour enterrer. Il ne pourrait rien faire d'autre. Il ne pourrait même plus faire marcher sa laveuse comme il faut. Il ne pourrait plus rien faire. C'est un animal. Comme ceux qui sont en dépression, à un moment donné, assez qu'intelligence n'arrive même plus à les suivre. Dépression totale qui s'écrase dans un coin. Puis là, quand tu les regardes, ils ne souffrent même plus. Ils sont vides. Ils ont peur dans le coin. Lève-toi! Suite, il part, puis s'écrase dans un autre coin. Puis il y en a des malades comme ça dans les hôpitaux. Il n'y a plus l'intelligence de la misère à les suivre. Bon, il faut les remonter un peu et ça fonctionne. L'humain a peur. La seule nuance qu'il y a, c'est que toi, tu poses la question en tant qu'animal humain, comment on fait pour rester en contact. Puis moi, je te réponds en tant qu'être humain que c'est ce qu'on fait pas qui est important. Pas ce qu'on fait. Bien. Depuis quelque temps, j'entends des bourdonnements dans ma tête avant de m'endormir. Ces nuits-là, je passe toujours des moments désagréables. Je me sens manipulé. Comment contrer ces phénomènes? Bon, premièrement, sentez-vous pas manipulé, vous êtes manipulé. Ça va déjà régler un problème. Comment contrer ces phénomènes? Il faut évidemment vérifier si c'est un acouphène ou un neurophène. Quelle est-ce que c'est un bruit acoustique créé par l'une des trois parties de l'oreille? Ou si c'est simplement le cerveau qui entend des bruits, qui pense entendre de quoi, puis qui interprète quelque chose, ça crée une valeur énergétique que l'âme décode et puis ça nuit. Quand il y a une mutation cérébrale, normalement, il y a ce genre de symptômes idiots. Quand il y a un ajusteur de pensée qui est en train de tricoter des neurones de façon à mieux se brancher, on a aussi ce genre de bebelles, des bourdonnements. De temps en temps, ils peuvent être absolument auditifs. On entend. L'ajusteur de pensée parle par une des deux oreilles. Mais ça peut être aussi un picotement. Ça peut être différentes choses. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Rien. Si ce n'est pas un acouphène, si ce n'est pas auditif, si ce n'est pas biologique, il n'y a rien à faire. Bien, il y a une chose à faire, oui. Attendre. J'y ai pensé. Vous avez déjà dit lors d'une conférence que ceux qui étaient contre la fluoration de l'eau, c'était les forces involutives. Pourquoi involutives? C'est que Bon, lors de cette conférence, je l'avais suffisamment expliqué, c'est que dans le fluor, il y a énormément de particules atomiques qui peuvent permettre à ceux qui vont boire d'aller chercher différentes formes de manipulation astrale. Disons que si on regarde spirituellement la fluoration de l'eau, c'est évolutif. Si on regarde cosmiquement la fluoration de l'eau, c'est évolutif. Premièrement, cela va nuire à l'humain. L'humain va sécréter un peu plus, il va cellulariser encore mieux son corps physique, donc être capable de supporter un peu plus de frustration. Exactement comme pendant longtemps, les non-fumeurs ont extrêmement évolué parce qu'il y avait des fumeurs autour d'eux. Maintenant qu'il y a une loi qui n'est pas appliquée, une loi qui dit qu'on ne doit pas fumer dans des lieux publics, c'est les fumeurs maintenant qui vont commencer à évoluer. Pourquoi? Parce qu'ils doivent se frustrer, donc ils cellularisent beaucoup plus de phénomènes. C'est chacun son tour, mais c'est logique. Maintenant que les fumeurs ont évolué, c'est le temps que les non-fumeurs avaient évolué, c'est le temps que les fumeurs évoluent. Hein? Pas évolué, là, tout là. Ouais. Bon. Ceux qui sont contre la fluoration de l'eau sont contre mes mécanismes d'évolution. Si on regarde cosmiquement, il faut toujours revoir le contexte, parce que si on veut regarder de très, très loin, fluoration est évolutif, et puis non-fluoration est évolutif. Fluoration est évolutif, non-fluoration est évolutif. Alors, lorsque j'en ai parlé dans la conférence en question, c'est que ça, selon le contexte, il y avait un anti-évolution. Alors, on pourrait reposer la question, on pourrait s'étaler dessus. Ce qu'on doit bien comprendre, c'est comme par exemple, ceux qui détruisent la couche d'ozone font évoluer l'homme. Ceux qui veulent l'empêcher font évoluer l'homme. Parce que la couche d'ozone, elle est une mécanicité qui fait réfléchir les rayons ultraviolets. Il y a une grande quantité d'énergie supplémentale qui est réfléchie ou absorbée par la couche d'ozone. Alors que si on détruit la couche d'ozone, eh bien, l'énergie supplémentale traverse mieux. Elle vient créer l'initiation solaire à travers l'homme. Évidemment, le rayon ultraviolet traverse aussi. Ça va créer des cancers de peau pour un paquet d'humains. Mais du point de vue cosmique, c'est évolutif. Alors que du point de vue planétaire, ceux qui travaillent pour la restauration de la couche d'ozone sont écologiques. Donc, il faut travailler pour l'évolution. Ça dépend toujours du contexte. Donc, il y a du bon des deux côtés. Exact. Pourquoi j'ai dépensé de faire du mal physique à ceux que j'aime? J'ai peur de mes pensées. Mais oui, mais c'est normal. C'est parce que vous avez des pensées comme ça, parce que le Dieu qui s'occupe de vous, vous donne ça. La particularité, le doigt divin qui s'occupe de vous, est un doigt avec un ongle sale. Alors, lui a besoin, comme nourriture, de mal, de douleur. C'est pas vous. La preuve posée la question. Ce serait vous, vous seriez pas là à poser la question. Vous seriez là-bas à faire du mal. Et l'humain est manipulé. Très manipulé. Pourquoi j'ai dépensé de faire du mal physique à ceux que j'aime? J'ai peur de mes pensées. N'ayez pas peur, ce ne sont pas vos pensées. Ce sont des pensées. Et on doit... Bon, c'est évident que comme ça, je ne peux pas tout donner. Mais si on arrive à bien clarifier que ce n'est pas nous, m'arrive des fois encore de me faire charrier pendant un millième de seconde avec une idiotie. Dans le genre, bon, prenons l'exemple, faire du mal à quelqu'un. Ma chatte, elle est couchée sur le lit. Tabarnouche, je ne sais pas ce que tu sais, si je me garocherais dessus, là, que tu sais... Elle dort et elle fait confiance, hein, mais elle est tabarnouche, elle ne sait pas ce qui se passe autour d'elle. Ouais, mais pourquoi me garocher-tu carrément, puis elle est tabarnouche, elle verrait avec la confiance? Une manipulation de même. Puis immédiatement, c'est... C'est même pas moi qui pense à ça, fait que je te laisse donc faire. J'ai pas à commencer à contrôler, à mettre de l'importance, donc, dans cette maudite manipulation de pensée. Alors, je pense à violer quelqu'un. Puis après ça, il faut que j'arrête d'avoir des pensées. Moi, non, c'est même pas moi. J'ai aucune culpabilité, j'ai rien. C'est une vapeur qui est passée, qui a été interprétée par mon système neuronique, mon âme l'a lu. Ça n'a vraiment rien à voir avec moi. J'ai pas de mauvaise pensée, ça c'est vrai. C'est comme si tu regardes ta chaîne de télévision, d'un coup tu vois une connerie, puis tu continues à tourner. C'est la même affaire. C'est passé là, tu n'avais pas le choix. Tu aurais pu sauter plus vite, mais tu l'as pas. Ouais, ben c'est ça. Comment tu fais pour sauter plus vite? Faut pas que tu restes au 10 trop longtemps, puis massacrer tout le monde. Comment tu fais quand ça t'arrive et tu dis « change de poste » La question se pose pas. Si tu restes au 10 trop longtemps et tu fais ton viol, tu vas faire ton viol. Il n'y a rien à faire. Tu n'es pas dans un état pour changer de poste. C'est tout. Si tu continues à changer de poste, tu as changé de poste. Mais la culpabilité qui va rester, c'est elle au minimum, vient éliminer. Tu as des pensées de faire du mal. Non, ça pense dans votre tête. Puis moi, tout ce qu'on a à se dire, c'est que tu regardes encore ça et ça te tente encore de faire quelque chose. C'est pas toi, c'est clair ça, c'est pas toi. Mais est-ce qu'à ce moment-là, on peut pas juste se poser la question? Question, est-ce que c'est moi qui me pose, est-ce que c'est moi qui ai le goût de faire ça? Puis ça peut pas aider à... C'est pas toi qui as le goût de faire ça parce que tu poses une question comme quoi tu es hanté par ça. Je sais, mais est-ce que comme outil même de pas, défense... Non, l'humain, s'il est pas assez fort, il va dire, est-ce que c'est moi qui pose ça? Est-ce que c'est moi qui pense à ça? Mais c'est évident que c'est moi qui pense à ça, niaiseux, c'est moi qui pense à ça. Si l'humain est pas assez fort, non. Tout ce qu'il y a, c'est que veux-tu faire ça foncièrement? Vas-tu regretter de le faire? Oui. Donc, une partie chez toi qui ne veut pas le faire. C'est elle qui va regretter. C'est toujours le bon qui paye, jamais le mauvais. Alors, c'est pas, tu vas regretter, c'est pas toi. Fait que accote-toi, puis continue à bien clarifier. Ces pensées-là ne t'appartiennent pas, c'est pas les tiennes. Lentement, ça va s'en aller. Mais tant qu'on y attache de l'importance, on est nourri. Donc, le têteux qui vient nous chercher, ben, on est correct, on est utile, on fonctionne avec. Depuis juste une petite parenthèse, ça a bien constaté qu'effectivement, c'est toujours le bon qui paye. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, jamais le mauvais. OK? Fait qu'il y a, certains dieux qu'il faut qu'on remette en question quelque part. C'est important. Le gars qui fait faire, le gars qui fait un viol ou qui fait un meurtre, qui se ramasse en prison, puis qui regrette. Le gars qui regrette, il ne voulait rien faire. C'est la partie bonne du bonhomme. C'est pas lui qui l'a fait. Et lui, il mange la marde. C'est lui qui a fait le viol, il est plus content. Il s'en va se coucher pour 5-10 ans, lui. Il nourrit en masse, il dort. Il mange en masse. L'autre qui s'est fait manipuler le temps que l'autre violait, c'est lui qui est en prison. Lui, il veut pas. Lui, il se sent coupable. Lui, il pogne avec. Lui, il dit, qu'est-ce que je comprends pas, qu'est-ce qui m'a pris. C'est toujours le bon qui paye. On a même dit que quand les bons partent avant, c'est tous les meilleurs qui partent en premier. C'est sûr. Toute la planète est bâtie de même. C'est pour ça que si on évolue, on mange la marde, c'est sûr. C'est pour ça que, crime, tant qu'à évoluer, continuons à évoluer. Puis qu'évoluons suffisamment nombreux pour finalement inverser la vapeur. Mais c'est évident que le bon paye toujours. Le jésuite qui s'en vient ici, portez de la bonne nouvelle. On y arrache les ongles, on y casse les dents, on y crève les yeux. L'autre qui est en France là-bas, ben lui qui fait, qui boum boum, puis qui envoie les autres là-bas, il n'y a pas de problème. Là. Non, aucun. Depuis quelque temps, j'ai de terribles migraines, comme si c'était si ma tête était poussée de l'intérieur afin de changer de forme. Qu'est-ce que c'est? C'est extrêmement difficile à dire parce qu'il n'y a pas suffisamment de données et en plus, ça peut être coloré émotivement la réponse que je vais donner. La première chose qu'on fait, évidemment, c'est comme on commence toujours par voir un médecin. S'il ne vous donne pas d'autres mal de tête, peut-être qu'il va vous guérir le vôtre. Une chose. Il y en a quand même qui sont bons. Et puis, on doit vérifier plein de choses. Les migraines, c'est ça. Je ne vais pas répondre, c'est tellement, tellement compliqué. Il y a tellement de data, tellement de données. La migraine peut être une cause de perception neuronique, donc impression neuronique, de qui est à quel rapport à une mutation. Tous les humains mutent. À un moment donné, il y en a un qui le perçoit simplement. C'est pas qu'on évolue plus fort qu'un autre, mais on évolue pareil. Ça peut aussi être une inflammation ou encore une crispation trop prononcée des muscles potiers du cuir chevelu. Et étant donné qu'on ne sait pas repérer l'endroit, le cerveau peut penser que c'est à l'intérieur. Alors, il y a beaucoup de migraines qui sont des maladies qui sont psychosomatiques en ce genre, parce que le neurone lui-même n'est pas innervé. Par contre, il peut interpréter une douleur qu'il n'a pas. Il y a tellement, tellement de choses que la question est extrêmement vague, alors je préférerais passer par-dessus. Quels sont les critères de sélection pour être admissible à aller chercher les forces accumulées par les prières des fidèles? Est-ce qu'il y en a des critères d'admission? Oui. Il faut être anégoïque. Ne pas avoir d'égo. Il faut avoir un dôme éthérique suffisamment constitué pour avoir commencé une fusion très prononcée avec lui. C'est juste ça qu'il faut. C'est ça. Il faut plus être un animal humain. Il faut plus être un humain. Il faut être un être humain. Il faut plus évoluer d'initiation lunaire, animal, souffrance, sécrétion. Il faut évoluer d'évolution solaire, énergification. Aujourd'hui, est-ce que tu pries un être supérieur? Si oui, lequel? Si je suis Dieu, je ne puis être le maître de l'univers. Nous sommes le maître de l'univers. Non, c'est évident que je ne peux pas être le maître de l'univers. Je suis une partie du maître. La petite partie qui dit je suis le maître de cette partie-là. Alors, c'est correct. Non, je ne prie pas aucun Dieu. Je n'ai pas besoin. Je parle avec ce que j'ai à parler et on me parle quand on a à me parler. C'est correct. Puis le maître de l'univers, de toute façon, c'est voire médiocre, ça, pour être le maître de l'univers. Le maître, qu'est-ce que tu veux de plus que d'être le maître de l'univers? Bien, il y a le super univers à côté, il y a la création complète, il y a tout le phénomène extra-créationnel. Provincial, fédéral. D'après toi, quel était le but de Jésus sur la Terre? Bon, d'après moi, j'ai aucune idée. Par contre, je peux vous en parler de ce qu'était son but, mais c'est pas d'après moi. C'est d'après qui? D'après rien, c'était une fonction. C'est quoi le but de la plante d'être là? Elle n'est pas. Elle est là. Bon, je peux parler de la plante pour qu'elle est là, de son utilité, mais pas de son but. Elle ne sait pas, donc elle n'a pas de but. Et elle a une utilité, une fonction, mais elle n'a pas un but. Hein, tu comprends? Le but, c'est la valeur émotive. Comme s'il y avait de l'intentionnalité, mon but. Le but du Nazaréen ou de Jésus, le but de Jésus, c'était de que le Christ, Christon, s'en aille. Ça, c'est le but de Jésus. Le but du Nazaréen, c'était de ne pas aller sans croix. Jésus était bien d'accord avec ça. Ça, c'est le but, ça. Puis le but de l'énergie christique, l'énergie supramentale, était d'aller chercher tout ce qui avait passé comme évolution expérientielle du même faisceau dans le monde de la mort et ceux qui habitaient les humains de l'époque. Ça, c'était le but de ça. Alors, finalement, si on veut parler de but, il n'y a pas grand monde qui sont arrivés à atteindre leur but. Le rôle du Nazaréen, c'est autre chose. Jésus, c'est un enfant. Un enfant spermatozoïde ovule qui a vu sa pluralisation au niveau moléculaire puis est arrivé au monde en broyant. Bon, ça, c'est Jésus. Il a grandi quelques années, comme tout le monde. C'était Jésus. Et très, très, très, très jeune, il a été possédé. On est venu frapper à sa porte. En réalité, on est venu frapper en avant, puis on est rentré par en arrière pendant ce temps-là, pendant qu'elle a répondu. Et puis, on a fait un pacte avec Jésus. On lui a dit, on a besoin d'un corps physique, comme le tien. Ce qui constitue ton ego et de la mémoire d'enfant. L'un des plus beaux égos. Ton corps physique est super solide, génial. La génétique récessive de tout le peuple juif est dominant chez toi. On veut ce corps. Jésus a dit non. On lui a donné un bonbon. Il dit oui. Quel bonbon? Il ne mourrait pas. C'est une belle farce. Non, c'était vrai. Sauf qu'on lui a pas dit, son corps ne mourrait pas. Jésus va mourir. Lui a pensé ça. Ouais. Mais c'est faux comme ça. Là. Quand tu ne poses pas la question comme il faut, tu as la réponse, mais tu n'as pas toute la réponse, tu n'as pas posé toute la question. Alors, il a fini par accepter vers l'âge de 12 ans. Et par la suite, l'entité qui le possédait, qui était l'intelligence christique, ce qu'on appelle du point de vue ésotérique Michael, qui est donc le Christ, l'a possédé au complet et l'a christifié, avant de le crucifier. Ça va toi. Il l'a donc christifié et cela a donné Jésus-Christ. Lui se faisait appeler le Nazaréen, parce qu'il était de la secte nazaréenne du point de vue de sa filiation biologique et des dernières premières tendances spirituelles. Marie et Joseph étaient nazaréennes. Alors, ça, c'était Jésus. C'était le Christ, c'était le Nazaréen, les deux. Vers la fin, le Christ est parti, puis Jésus, sur la croix, il a dit, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Ça, c'était Jésus qui parlait au Christ. Puis le Christ, bien, il est parti. Jésus est resté dans le plan moronciel dans une enveloppe éthérique, un dôme éthérique, pendant quelques jours. Et puis par la suite, eh bien, il est revenu dans un corps physique. Mais ça, c'est le rôle de. C'était le phénomène de Jésus, mais ce n'était pas un rôle comme tel. Le rôle du Nazaréen, bon, on en parle énormément au niveau du séminaire. J'ai déjà parlé dans quelques conférences que j'ai faites, très, très brièvement. Son rôle était de venir chercher, résorber son faisceau, amener, percer le monde de la mort, donc ouvrir les portes du ciel pour que l'homme puisse s'y échapper. Pas pour rentrer dedans, il rentrait dedans bien avant. Et c'est cela même le rôle du Nazaréen, résorber son faisceau, comme Lazare va le faire et comme tout le reste de l'humanité va le faire. Il reste encore une trazaine de faisceaux de libre sur le plan planétaire. Pourrais-tu nous parler de Saint-Germain? Oui. Qui est-il? Qu'a-t-il fait? Est-il un mystique? Un moustique ou un mystique? Qui est-il? C'est un bonhomme. Saint-Germain n'existe plus aujourd'hui, sauf qu'il porte un autre nom. Disons qu'ésotériquement ou archétypalement, il est connu sous le nom du comte de Saint-Germain. Ça a été avant Hiram Abiff, que certains connaissent peut-être. Ça a été Lazare. Que d'autres connaissent, ça a été plusieurs autres contes russes, ça a été des contes anglais, c'était des contes français. Le plus connu était le comte de Saint-Germain, parce qu'il a rencontré différents rois. Et il a été connu sous le nom de Thomas Paine aussi, évidemment. Et puis, présentement, il a un autre nom qu'on ne dit pas, parce qu'il y a pas quatre gens qui vont se garocher. Et c'est le comte de Saint-Germain qui est-il, il est cela, c'est-à-dire qu'il est Lazare, il est le seul qui a accepté de vivre la pénétration du monde de la mort en faisant confiance en l'intelligence christique. Et c'est d'ailleurs pourquoi le Christ est allé le rechercher par la suite, alors que le corps physique était mort, mais Lazare était toujours vivant. Donc, du point de vue du Nazaréen, il dormait. Qu'a-t-il fait? Il a engendré la prolifération du maquillage chez la femme. C'est d'ailleurs lui qui a inventé les teintures pour cheveux, lui qui a inventé la majorité de tout ce que les femmes se servent pour se maquiller, y compris les talons hauts et un paquet d'autres choses. Et cela astralise énormément le monde de la mort. À l'époque de Louis XIV, Louis XV, eh bien, c'était le temps de ce phénomène, et ça l'a extrêmement protégé l'évolution planétaire en créant plus d'astral et d'émotions au niveau du monde de la mort. On peut se référer à une conférence que j'ai faite qui est l'intelligence de la souffrance. Il a inventé des mécanicités motrices, la locomotive, il a inventé un paquet d'autres choses, et il a permis au peuple américain de se libérer. C'est lui qui a écrit en premier l'acte d'indépendance des États-Unis, il s'appelait Thomas Paine, et il l'a légué par la suite aux autres. Et est-il un mystique? Non. Non, c'est autre chose. C'est un faisceau d'énergie lui seul. Là. C'est pas un mystique, c'est beaucoup plus. Parlant de faisceaux, je veux plus d'explications concernant les 13 faisceaux restants et l'origine de ces faisceaux. On va faire une conférence en décembre là-dessus, sur les faisceaux. Donc, on va pouvoir en parler beaucoup plus, parce que là, ça va juste me frustrer de commencer. Même si c'est pas tellement frustrable. L'énergie supramentale est-elle Dieu dans les cieux, cette vraie et authentique partie qui nous habite et qui ne se nourrit pas de nous, mais qui vibre avec nous et veut nous amener à vibrer complètement, nous? Ça ne veut pas nous amener, ça va nous amener. C'est pas pareil, mais c'est en plein ça. Le reste, c'est correct. Où puis-je me procurer de la documentation sur le savoir instantané? titre du livre. Bon, le titre du livre, c'est un peu complexe. On peut fouiller un peu dans les livres que Aurobindo a écrit, certains livres que Mère a écrit, ou encore des copies astrales écrites par Satprem, qui peuvent aussi être intéressantes. Daniel Kemp n'a pas écrit, lui. Non, il y a deux personnages qui ont écrit des livres au Québec, et puis il y en a un qui est pas mal plus âgé que l'autre. Alors, il y a un livre qui est sorti. Ce livre-là, on peut aller le chercher. Le titre, ce n'est pas tellement important que je le donne. On pourra fouiller si on a le trouvé. Et puis, il y a aussi un livre que je vais écrire, un livre qui est déjà presque terminé, qui contient 1200 quelques pages, qui va sortir aussi un petit peu après, parce qu'on doit laisser les chemins s'aplanir, qui fait référence uniquement à l'intelligence supramentale et qui fait référence à toute la mécanicité de la création de toutes les parties de l'homme, de leur naissance à leur mort. Ça va venir. En attendant, eh bien, il y a ce genre de livre-là, les livres de Aurobindo, puis des choses dans le genre. C'est intéressant. Sinon, ben, la meilleure chose, c'est de ne pas lire, c'est de le lire les yeux fermés. C'est qu'il y a un paquet de cassettes, ça, il y en a en masse. Croyez-vous aux extraterrestres? Non. Si oui? Non, je ne crois pas aux extraterrestres. Non. Y a-t-il un danger de pratiquer la première initiation de l'autre croix? Ici, c'est pas, c'est oui. Croyez-vous qu'ils ont une influence sur nous? Je ne crois absolument pas aux extraterrestres. Puis effectivement, ils ont une très grande influence sur beaucoup d'humains. Donc, tu ne crois pas, tu sais qu'il y a des extraterrestres? Je ne crois pas qu'il y en a, il y en a. Je ne crois pas que ça, c'est là. Pas besoin de croire que c'est là, c'est là. Si ça ne serait pas là, je pourrais dire, oui, je crois que la lampe est en arrière de moi. Mais de même, c'est bien dur de croire qu'elle est en arrière de moi. Premièrement, elle est en avant. Hein? Puis là, je n'y crois plus, là. Bon. Les extraterrestres, je n'y crois pas. Ils sont là. Je n'ai pas besoin d'y croire. Bon, puis est-ce qu'il y a une influence sur nous? C'est un paquet d'humains, oui. Une bonne ou une mauvaise? Bien, entre le 10 et le 8, là. Ah. Y a-t-il un danger de pratiquer la première initiation des Rose-Croix? Hey, si on manque son coup, oui, si on ne manque pas, non. C'est pas dangereux. Qu'est-ce que tu entends par manquer son coup? Ben, quand tu l'as pas. Ah, oh, tu meurs pas, c'est dangereux. Ça dépend si tu vas voir, ça dépend du danger, ça dépend tellement d'affaires, c'est une question tellement relative. Mais comme il n'y a pas de libre arbitre, de toute façon, celui qui doit le faire, il va le faire. Oui, mais s'il y a danger, le danger reste quand même là. Mais quand tu réussis, tu réussis. Quand tu réussis pas, tu réussis pas. Mais y a-t-il des initiations dans des sectes qui sont dangereuses, physiquement ou mentalement? Ça peut. L'ordre des Cruciens n'est pas une secte, c'est un ordre, c'est pareil. Un ordre? Et dans, oui, il y a fait énormément d'initiations qui sont dangereuses. Initiation solaire? Oui, ça dépend encore de l'individu. Une personne qui s'impose peut-elle drainer mon énergie? Bien, ça va de soi. Quand tu vois l'intelligence de changer et transformer des choses, mais que toutes tes actions sont freinées par des événements extérieurs, pourquoi cette absence de synthonie? Parce que c'est pas le temps. Simple, c'est pas le temps. Grande, grande mécanisme à comprendre pour faciliter notre évolution. On ne contrôle pas, du point de vue de l'ego, le monde. Par contre, le monde est contrôlé par de l'intelligence. Lorsqu'on devient intelligent, on commence par voir l'intelligence, mais on n'a pas encore la capacité de s'adapter à l'intelligence. Alors, on voit l'intelligence, on veut l'appliquer, mais on n'est pas dans le chemin. On veut une automobile, il y en a une pour nous autres, elle nous atteint là-bas. Mais vu qu'on est encore ici, l'automobile qu'on veut avoir, qu'on envoie l'intelligence, bien, on ne l'a pas. C'est pas le temps. Alors, lentement, vu que la conscience, le temps au niveau supramental est prêt, le temps au niveau mental va finir par rejoindre ce temps-là, le temps au niveau astral va finir par se syntoniser, et lentement, les autres temps jusqu'au temps au niveau physique est là. Là, ça va bien différent. Fait qu'en attendant, on doit toujours faire une chose, prendre patience. Plus on est patient, plus ça va vite. Plus on est impatient, plus c'est long. Parce que de toute façon, ça prend le même temps. Ça paraît plus lent, c'est ça? Évidemment. Ceux qui ont manqué de souffleuse. Explique l'effet chimique des antidépresseurs sur le cerveau. Comment induire cet état énergétique par des moyens plus naturels? L'antidépresseur, bon, et expliquer l'effet chimique, c'est relativement complexe parce qu'il y a énormément d'antidépresseurs qui n'ont pas le même effet. L'antidépresseur est un nombre de formes, donc comme une aspirine, c'est pas un antidépresseur, ça peut en être un, mais c'est un nombre de formes. Alors prenons l'exemple de l'aspirine, les gens connaissent un peu mieux l'aspirine. Ça a une forme électrochimique, c'est-à-dire que ça a une forme atomique, et cette forme atomique, l'orchestration des atomes, des particules subatomiques en atomes et finalement en molécules, engendre une forme énergétique différente, et cette forme-là, dans le corps physique, va transmettre son nombre de formes au reste en étant dissoute, et cette énergie-là va maintenant altérer certaines choses. L'antidépresseur peut faire différentes choses. Il peut agir comme une morphine naturelle, comme l'endorphine, et ralentir la communication axonique et synaptique entre les neurones. Elle va donc empêcher l'expression de l'astral d'être exprimé au niveau neuronique. Ce qu'on doit juste savoir, c'est que l'âme s'exprime, je saute des étapes, c'est des phénomènes qu'on voit en séminaire, mais on a pas mal plus de temps. L'âme s'exprime par le système atomique constituant les neurones, Et dans le neurone, ça crée une dépolarisation qui engendre un cheminement. Chaque communication électrique engendre un champ électromagnétique perpendiculaire et cela engendre une image électromagnétique que nous, on appelle une idée. Cette idée-là, elle est maintenant relue par une partie du cerveau et elle est ramenée à l'âme. L'âme ne peut pas connaître ce qu'il est s'il ne l'exprime pas. Donc, si on a un antidépresseur, c'est-à-dire un ralentisseur neuronique ou endocrinien, les deux voies d'expression de l'âme, l'âme pouvant difficilement s'exprimer, quand il va se lire, il lit pas qu'il a peur, il lit pas qu'il est inquiet, il lit pas, il a pas pu l'exprimer. Alors l'âme se dit, bon, ben, crime, ça va bien. Vu que l'âme est maintenant convaincue que ça va bien, ça va bien. Ça, c'est la mécanicité. Comment parvenir à la même chose? Je ne veux pas donner d'idiotie. C'est-à-dire qu'il y a énormément de techniques, comme il y a des techniques de méditation qui peuvent nous amener à cela, mais on reste esclave de ces techniques. La meilleure chose, c'est que continuons à prendre des antidépresseurs et à souffrir de certaines choses, et développons notre discernement mental. Je suis de l'intelligence, parce que je vois que c'est stupide ceci, je vois que c'est con cela, et en même temps, je dois considérer qu'il y a de l'ego chez moi, et c'est lui qui en a besoin. Si on arrive à discerner ça, à moyen terme, on gagne carrément sur l'ego, c'est-à-dire qu'on enclenche le processus de négoïsation, donc le processus de création d'un double éthérique. Donc, finalement, on se garantit de ne pas mourir de la deuxième mort. Si un jour notre corps physique s'en va, nous ne gagnerons pas le monde de la mort et nous allons nous réincarner nous rappelant totalement ce que nous sommes, ce qui ne se fait pas présentement, étant donné que l'humain meurt une deuxième fois en pénétrant le ciel, le monde de la mort. Alors, c'est préférable de souffrir quelques symptômes secondaires de l'évolution qui peuvent même royalement embêter un humain, alors qu'il y a des côtés positifs là-dessus, et moi, je privilégie les côtés positifs. Ça ne me dérange pas qu'un humain souffre pendant quelques années pour réussir. Ça ne me dérange pas. Il y a trop d'humains qui préféreraient que l'humain ne souffre pas, même s'il pourrait tirer 2-3 000 ans encore. Il va finir par prendre les mêmes souffrances. Est-ce que le vertige est psychologique ou physique? Ça dépend des humains, il peut être les deux. Maintenant, le vertige peut être aussi simplement le déphasement total de l'ajusteur de pensée par rapport à la conscience de l'homme. Il y a quelques ajusteurs de pensée, disons, qui se plaisent énormément à visiter les grandeurs. Il y a des corps physiques lorsqu'ils s'approchent ou lorsqu'ils montent un peu ou lorsqu'ils s'approchent d'un édifice. L'ajusteur de pensée, bon, le vertige sur une table, c'est question de psychologie. Il y a un déphasement total entre l'âme, le corps vital et le corps physique. Lorsque le corps physique monte, son corps vital reste trop connecté sur le plan du plancher ou de la matière. Il y a même des humains qui vont monter dans des étages et auront le vertige, même s'ils ne sont pas proches de quoi que ce soit. Normalement, on a un corps astral qui est plus pesant, ça dépend encore de la constitution des êtres humains, et qui va rester proche d'un plancher, qui est à côté par une forme de matière. Je passe des étapes pour expliquer, là, mais en tout cas, je donne une réponse plus rapide. Alors, lorsque l'être humain monte, il est déphasé. Il y a donc une attraction totale du corps physique, et puis l'être humain va psychologiquement vivre quelque chose qu'il n'aime pas, et il va finir par expérimenter que chaque fois qu'il monte, il le vit. Donc, il va dire, c'est les hauteurs. Il y a celui qui s'approche du bord puis qui se sent attiré. Ça, c'est le double éthérique qui s'avance puis qui tire sur le canal de l'ajusteur de pensée. L'humain a un léger double éthérique en constitution. Finalement, c'est l'ajusteur de pensée avec une petite verrue au bout qui a une tendance à aimer les grandeurs et qui va voler. Et l'humain se sent totalement attiré, donc est obligé de s'arranger pour ne pas partir. Parce que là, demain, il va voler jusqu'en bas. Pas longtemps, mais il va voler. Quelle place accordez-vous à l'alimentation dans l'évolution de l'homme? Très, très important, très, très utile. Quand on peut pas, c'est pas grave, c'est pas important pour tout. Ça ne dérange pas. Tu manges non, quand tu en as besoin, c'est utile pour toi. Quand tu n'as pas besoin, c'est pas utile pour toi. Donc, continue pas à tête. Comment peut-on différencier les deux personnes qui nous habitent pour pouvoir parler à la bonne? Celle qui parle d'intelligence, c'est la bonne. Celle qui dit à l'autre, ah oui, mais quand même, si j'aime ça, c'est plaisant, ça, c'est l'autre. C'est la pas bonne. De notre point de vue, y a-t-il déjà eu d'autres tentatives de résorption de la création? De notre point Réaction. De vue, non. Dans l'extra-créationnalité, il n'y a pas de miroir, pas de réfléchi. Non. Comment le phénomène créationnel a-t-il pu se produire? Bon, on viendra, hein? C'est toutes les questions là-dessus. Quand le Nazaréen a réservé son faisceau, quel impact ou influence l'a-t-il eu sur les faisceaux restants? Ça l'a permis...